France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Il y a 25 ans, tout juste, Agnès Varda signait un documentaire émouvant qui revenait avec des images documentaires inédites sur le tournage des Demoiselles de Rochefort. On voyait la minutie avec laquelle Jacques Demy réglait le tournage de chaque scène. Le chorégraphe Norman Maine dansait torse nu devant Catherine Deneuve et Françoise Dauriac sous la chaleur de Rochefort durant le tournage pour leur rappeler de loin les mouvements. Et puis Michel Legrand, cigarette au bec, intarissable, qui proposait mélodie sur mélodie à Jacques Demy. 25 ans plus tard, les Demoiselles de Rochefort ont atteint la cinquantaine et n'ont pas pris une ride. Et ce matin, nous avons intitulé ce cabaret 42e rue « Les Demoiselles de Rochefort ont eu 50 ans » car ce matin, nous avons la chance de recevoir en concert son compositeur, Michel Legrand. Michel Legrand qui salue son public ce matin en dit sur France Musique, sur la 42e rue. Nous sommes aussi ce matin avec Rosalie Varda, la fille d'Agnès Varda et de Jacques Demy, qui rentre tout juste de Los Angeles, si je comprends bien, avec un Oscar en main, mais on racontera ça tout à l'heure. Et puis en duplex du Maroc, une des voix chantantes du film, puisque les acteurs, à part Daniel Darieux, ne chantaient pas dans Les Demoiselles de Rochefort. C'est Jacques Revaux, par exemple, qui a prêté sa voix chantée au personnage de Maxence, interprété par Jacques Perrin. Et on sera avec lui tout à l'heure. Et puis aussi Rémi Carémel, qui nous dira tout sur ces voix toujours méconnues, qui ont doublé les acteurs célèbres. Mais d'abord, place à la musique des Demoiselles de Rochefort, interprétée au studio 106 de France Musique par son compositeur. Je vous souhaite un très bon anniversaire, Michel Legrand. Thank you. Michel Legrand en concert ce dimanche matin sur la 42e rue de France Musique, accompagné à la contrebasse par Pierre Boussaguet. Et qui nous propose des versions revisitées des plus célèbres chansons des Demoiselles de Rochefort. Le titre de ce que vous venez d'entendre, Les Sœurs Jumelles, et qui en a d'autres à nous proposer ce matin. Par exemple, une chanson, je crois, qui s'appelle You Must Believe in Spring. C'est bien ça, Michel Legrand ? C'est bien ça, oui, c'est le thème de Maxence. Ouais. C'est je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mani à Hong Kong, etc. Et je la cherche encore. C'était pas votre thème favori, hein, il me semble, celui-ci. Pourquoi ? J'ai lu que de toutes les chansons des Demoiselles de Rochefort, oui, c'était celle qui vous paraissait la plus simple. Si, non, mais si, vous savez, j'aime tous mes enfants. Il y en a des gros, des petits, des maigres, des grands, des meux. Non, ce thème de Maxence a été écrit en anglais, une adaptation par Alan et Marlene Bergman, qui sont mes auteurs américains favoris, qui sont de merveilleux poètes, qui ont fait un texte formidable, et ils ont appelé la chanson « You must believe in spring ». Et ce « You must believe in spring » est devenu aux États-Unis une chanson maintenant de plus en plus connue, jouée principalement par tous les musiciens de jazz qui ont sorti emparés de ce thème. Et je voudrais maintenant essayer, après eux, de vous jouer « You must believe in spring » avec Pierre à la basse. Thank you. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Vous êtes bien sur la 42e rue de France Musique, en concert, avec ce concert que vous nous offrez ce matin, Michel Legrand. C'est très très beau de vous voir jouer au piano. Vous savez pourquoi ? Parce que vous souriez par moments, vous posez vos doigts sur des touches, et par moments vous souriez comme si quelque chose de... Oui, qui me surprend. Parce que la merveille de l'improvisation, c'est de se surprendre soi-même. Alors tout à coup, je pars sur un trait comme ça, puis tout à coup, je dis, pas d'improvisation, et tout à coup, je m'épate. Oh, je dis, c'est curieux, je me suis comme ça. Et voilà. Alors je m'aime bien comme ça, dans ces moments-là. C'est pour ça que vous avez besoin... Non, mais vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez répété pendant une heure devant le piano, et on voyait le plaisir que vous aviez de toucher ce piano. Écoutez, d'abord, le piano est magnifique. 50 ans, les demoiselles de Rochefort. Lequel de vous deux, entre Michel Legrand et Jacques Demy, était le plus amateur de comédie musicale ? Oh, tous les deux. Jacques, je me rappelle, on se faisait chez Jacques, on se faisait des copies 16 mm de folklore, et plutôt de cinéma comme ça, en comédie musicale américaine. On a revu tous les grands films, tout ça. Quand il était chez moi, en 16 mm couleur, je lui envoyais aussi. Déjà, on avait les mêmes amours. Alors, on voyait les mêmes films, on adorait les musicaux. Est-ce que West Side Story, qui était sorti 5 ans plus tôt, vous a inspiré pour Les Demoiselles de Rochefort ? Oui, inspiré, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a adoré le film. Et quand Jacques Demy vous a dit, on va faire une comédie musicale à l'américaine, vous ne lui avez pas dit, mais on n'y arrivera jamais, on est en France, un truc non, comme ça ? Non, pas du tout. D'abord, je savais qu'on y arriverait. Deux. J'étais sûr de ça. Ah oui ? Oui, bien sûr. Parce qu'on l'avait tellement vu, tellement étudié, et puis on connaissait bien l'Amérique, on connaissait beaucoup bien, très bien le cinéma américain, surtout le cinéma musical, et quand on s'est attelé à ça, ça a été pour nous très naturel. Alors écoutez, ce matin, il fallait évidemment qu'on entende la voix de Jacques Demy. C'est un document du 18 mars 1967, 10 jours après la sortie du film qu'a retrouvé Martine Mony. Oui. Et vous allez voir, rien n'a changé, vraiment. Question de Roger Régent dans l'émission Cinéma Vérité. Jacques Demy, comment avez-vous osé vous attaquer au genre de la comédie musicale qui est si décrié en France et si difficile ? Réponse de Jacques Demy. Bien, j'ai osé parce que je l'aime profondément. J'étais guidé par un sentiment profond d'amour envers ce genre-là, qui est un genre baroque, c'est un genre qui réunit tellement d'arts différents, enfin littérature, peinture, chorégraphie, musique. C'est évidemment difficile à manier, c'est très très dur. Comparé aux Américains, nous n'avons pas les mêmes moyens, c'est vrai. Encore que là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance pour faire le film. Et je dois dire que les Américains qui l'ont vu à présent ont été très très emballés et n'ont pas souffert par la différence, mais au contraire, ont été heureux de trouver un esprit français qui les étonne. Et ça, je crois, c'est important. Quant à la méfiance des Français, c'est une méfiance intellectuelle, c'est une attitude que je regrette parce que elle me fait poser cette question, malgré tout. Enfin, est-ce que les Français ont perdu le sens de l'humour à ce point, par exemple, de ne l'attacher d'importance qu'à une chose dramatique, une chose sérieuse? On ne peut pas mettre dans une comédie musicale une densité de pensée que l'on met dans un drame, sinon ce n'est plus une comédie. Il y a une espèce de contradiction, là. Peut-être on peut faire une comédie musicale sérieuse, je l'avais essayé avec Les Parapluies de Cherbourg, mais le sentiment en est complètement différent. Or, je voudrais qu'on accepte cette légèreté, mais qu'on ne la prenne pas à la légère. Très bien. Ça n'a pas changé, Michel Legrand ? Formidable, il a complètement raison. Et vous savez, ce qui est formidable, c'est que quand on a écrit et réalisé Les Demoiselles de Rochefort, on l'a fait pour une personne, un homme qui s'appelle Damien Chazelle, dont la vie a été bouleversée en voyant Les Demoiselles de Rochefort 35 fois, m'a-t-il avoué. Ah oui ? Et il a fait après... un film pour nous, on avait fait un film pour lui, maintenant il a fait un film pour Jacques et moi. Il n'était pas né, hein ? Non, mais il les a vus au cinéma. Mais oui, il les a vus après. Nous voir, oui. Et alors il a été tellement bouleversé, il a dit « Enfin, les Français font des comédies musicales bien meilleures que celles des Américains. » Et vous avez aimé La La Land ? Il a fait pour nous La La Land, comme on a fait pour lui Les Demoiselles de Rochefort. Et vous l'avez trouvé comment, La La Land, le film ? Formidable, formidable. Alors c'est marrant parce que on s'est retrouvés un peu. Moi, j'ai retrouvé un petit peu plus les formules, une formule ou deux musicales que j'avais employées, qu'il a repris comme ça, alors on a l'impression, avec les mêmes mélodies, les mêmes types de mélodies. Et il a fait de l'imitation, il a fait des, à la manière de... Par exemple, là, vous reconnaissez un peu votre touche ? Ouais, c'est très bien. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. J'aurais très bien pu le faire. Rosalie Varda, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous rentrez presque quasiment de Los Angeles, où votre maman a reçu un Oscar d'honneur. Votre papa, il vous a nourri de comédie musicale quand vous étiez petite, et il vous en faisait manger tous les jours au cinéma ou en 16 mm. On ne les mangeait pas, on les écoutait, on les regardait. Et oui, effectivement, j'ai été élevée avec beaucoup de... Disons que Jacques avait... D'abord, il avait une chose extraordinaire, c'est qu'il connaissait très bien tout le cinéma américain, évidemment, et surtout tout le cinéma français, et qu'on a été beaucoup au cinéma ensemble. J'ai beaucoup vu de films entre l'âge de 7 ans et l'âge de 15 ans, et d'ailleurs aussi avec Hervé Legrand, le fils de Michel, puisque c'était quasi mon frère d'amour, on avait le même âge, et on a été beaucoup voir, évidemment, moi j'ai aucun secret pour toutes les comédies musicales américaines, dont les grands classiques, Chantons sous la pluie, bien sûr, mais West Side Story, mais aussi des comédies musicales, toutes les comédies musicales avec Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly. Ça a nourri mon enfance, mais si vous voulez, moi j'étais une petite fille, j'adorais ça, hein, normal. Et lui, il en avait une préférée qu'il voyait vraiment en boucle? Alors, je ne sais pas si je ne peux pas parler pour lui, c'est toujours difficile. Ouais, et puis, quand j'entends sa voix, c'est toujours quelque chose d'un petit peu émouvant. Je crois qu'il aimait beaucoup Chantons sous la pluie, ouais, parce qu'il y avait dans Chantons sous la pluie des thématiques très différentes, notamment de passer du cinéma muet au cinéma parlant avec toute cette nouvelle technologie et la musique et les ballets et puis tout Hollywood. Dans Chantons sous la pluie, il y a aussi le star system, il y avait beaucoup de choses. En tous les cas, oui, c'est vrai que c'est formidable, Michel, que 50 ans après, ce que vous avez fait ensemble, c'est pas que c'est vivant, c'est que ça fait partie de notre vie. C'est oui, ça qui est extraordinaire, c'est que c'est pas l'idée que ça vieillit pas, c'est avec nous, toujours. C'est curieux, c'est-à-dire que tout à coup, quand on revoit aujourd'hui les Demoiselles de Rochefort, on a l'impression que le film a été fait il y a plusieurs milliers d'années. On a l'impression de connaître les airs par cœur, qui viennent, on ne sait pas d'où. Vous savez, Michel Legrand, on a demandé aux auditeurs de France Musique, de 42e rue, de nous écrire, parce qu'on voulait offrir le coffret 5 CD de Stéphane Le Rouge, avec plein d'inédits, et toute la musique des Demoiselles de Rochefort. Mais on leur a dit, vous nous écrivez, mais vous nous dites ce que représentent pour vous les Demoiselles de Rochefort. Je vous cite ce que nous a écrit Didier Christin. « Cher Monsieur Legrand, votre musique parfaitement illustrée dans Les Demoiselles est un pont extraordinaire entre le répertoire classique et le jazz. J'ai moi-même découvert adolescent la musique classique grâce à vous, et plus particulièrement au concerto de Solange qui m'a ensuite donné envie d'écouter Bach et bien d'autres. Puis le jazz en écoutant tous ces pianistes, dont Bill Evans, reprenant votre célèbre « You Must Believe in Spring ». Michel Legrand, votre musique universelle et intemporelle est la somme de toutes les émotions que peut procurer cet art. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. J'ai vu le film au moins une centaine de fois, mais je prends toujours autant de plaisir à le redécouvrir. Quel courage ! Vous vous rendez compte ? Ah, c'est formidable. On a l'impression que ce film existe depuis toujours, et ce qui veut dire que peut-être il existera pour toujours en même temps. Puisqu'il n'a pas de début, il n'aura donc pas de fin, n'est-ce pas ? Vous pouvez faire un cadeau à Didier Christin ? Vous voulez bien vous mettre au piano et interpréter le concerto de Solange ? Ah, je peux bien faire tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez, cher public, réuni ici à France ? Ça s'appelle un pouce au crime. Thank you. Et quand on vous dit, quand Didier Christin, Michel Legrand, accompagné par Pierre Boussaguet à la contrebasse d'ailleurs, j'aurais le dire. Quand cet auditeur de 19 ans vous dit que grâce à ce concerto, il a découvert Bach, ça vous fait quoi ? Ben c'est bien. On n'a pas perdu notre temps là, comme ça. On a vraiment une raison d'être. Non, c'est-à-dire que c'est avec Jacques, ça a été un tel bonheur de travailler ensemble, de faire... Moi, j'ai en mémoire tous les instants, j'ai une très bonne mémoire comme les éléphants, de tous les instants qu'on a passé ensemble à rire, à chercher, à se tromper, à trouver une bonne voix. Et tout à coup, on trouve quelque chose d'émouvant. Et tout à coup, on rit, et tout à coup, on trouve une chose étonnante, comme ça. Et c'était vraiment de la recherche de l'amour, la recherche de la beauté, la recherche de la découverte, quoi, avec Jacques tout le temps. Mais c'est très surprenant quand on regarde le documentaire d'Agnès Varda, Les Demoiselles de Rochefort ont eu 25 ans. On voit quand même qu'il est très rigoureux, Jacques Demy, derrière la caméra, lorsqu'il dirige ses acteurs, toutes les chorégraphies. J'imagine qu'il était très rigoureux avec vous aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il savait exactement ce qu'il voulait comme mélodie pour chaque personnage, non ? Mais plus on veut faire une œuvre légère, plus il faut faire de rigueur, de style. C'est peut-être un peu grand, mais c'est le style qui décide de tout. Et quand on fait une chose comme ça, légère, très amusante, il y a dedans des tonnes et des tonnes de recherches, d'idées, d'essais, de choses ratées, de moments réussis. Vous étiez toujours d'accord avec lui ? Parce que je crois que vous, sur ce coffret, on découvre que, ben voilà, pour chaque thème, pour chaque personnage, un peu comme dans les opéras, vous proposiez une mélodie. Et des fois, vous pouviez en composer, mais je ne sais pas, une vingtaine, c'était oui. Complètement fou. Oui, tout à fait. Vous étiez toujours d'accord sur la meilleure, finalement ? Oui, parce que, vous savez, moi, j'ai beaucoup d'imagination. Alors, je m'amuse beaucoup, je prends un texte de Jacques, une phrase de Jacques. Nous sommes deux sœurs jumelles, elle naît sous le signe des Gémeaux. Et tout à coup, je fais plein de possibilités musicales sur ce début. Et il y en avait une trentaine. Et après, je m'amuse à les mettre sur une petite bande magnétique comme ça. Et je les joue à Jacques. Je dis, écoute ça. Oh oui, attends, écoute. Et alors, après, on travaille par élimination. Des 30, on en élimine 15. Les 15 qui restent, on les repasse, on émet la moitié. Et on finirait par 3, 2, et finalement, il y en a un qui l'emporte. Pa-pa-pa-da-ba-da. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Alors là, vous nous proposez, il me semble, de découvrir en concert ce matin la chanson de Solange. Avant qu'on l'entende, racontez-moi pourquoi c'est celle qui vous a donné le déclic de la couleur musicale de ce film. Parce que c'est le premier thème que j'ai trouvé. En travaillant sur le scénario de Jacques, j'essaye toutes les pages, tout. Puis tout à coup, sur la chanson de Solange, je dis, tiens, c'est une musicienne, alors je pense à... Une chose très très difficile à chanter, très très jazz vraiment, qui swing très précisément. Et j'ai écrit ça en premier. Je joue ça à Jacques, mais c'est formidable, parce que c'est bien, c'est ça. Pour le personnage, c'était tout à fait ça. Vous voulez bien nous l'interpréter ce matin ? J'y vais de ce pas. Au studio 106 en public, à France Musique, sur la 42e rue, la rue qui danse et qui chante de France Musique, en concert Michel Legrand et Pierre Boussaguet à la contrebasse. Thank you. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Michel Legrand célèbre les 50 ans des Demoiselles de Rochefort sur la 42e rue de France Musique, accompagné par Pierre Boussaguet. Alors, dans ce film, ce n'était pas Françoise d'Orléans qui chantait, même si elle était magnifique à l'écran. C'était une chanteuse qui s'appelait Claude Parent. Ouais. Et à vrai dire, dans le film, ce ne sont pas les acteurs qui chantent, à part Daniel Darieux. Et par exemple, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Michel Legrand, la voix de Jacques Perrin dans la chanson de Maxence. C'est pas Jacques Perrin qui chantait, mais c'était vous, Jacques Revaux, bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Quel triomphe, quelle dextérité il a encore, ce Michel. C'est extraordinaire. Salut, salut, petit voyou. Bonjour, Michel. J'étais bonjour. Là, dans un petit coin. J'écoutais. Ah, oh, c'est mignon, écoute. Eh oui, bah, c'est un souvenir formidable qu'on a ensemble. Parce que tu as, toi, exactement la même voix que Jacques Perrin. Mais exactement la même. Quand on vous écoute parler oui. tous les deux ensemble, c'est exactement la même voix. Alors, comme j'avais besoin de doubler Jacques, je t'ai appelé très gentiment. Tu es venu le faire, c'est formidable. Jacques Revaux, vous n'êtes pas en France, mais vous êtes au Maroc et vous vouliez à tout près être dans l'émission. Merci d'être au téléphone avec nous. Et je dois dire aux c'est auditeurs normal. Qu'ils vous connaissent surtout pour autre chose. Puisque vous en avez écrit des tubes pour Michel Sardou, pour Claude François, comme d'habitude, c'est quand même vous. La Java de Broadway, ouais. c'est quand même vous. Alors comment vous êtes retrouvé à chanter dans l'ombre pour Jacques Perrin ? C'est-à-dire ça s'appelle l'amitié, ça. C'est un piège, mais c'est... En fait, je suis absolument ravi d'avoir participé à cette aventure, parce que ça n'était pas du tout mon métier. J'étais ancien chanteur, mais j'étais devenu compositeur et producteur. Et il a été d'une gentillesse et comme il est toujours, il n'a pas changé depuis les 10 dernières années. Vous voyez ce que je veux dire, mais ça a toujours été un personnage magnifique. Un musicien, je viens d'écouter comment il joue encore. Mais mon Dieu, moi, il faudrait que je retire mes gants de boxe pour jouer comme ça. Mais la bande-son est enregistrée dans la continuité du film. Oui, au départ. J'espère ne pas me tromper, Michel peut m'arrêter si je fais l'erreur. Non, pas du tout. Il fallait qu'on enregistre. Tu sais, il faut enregistrer. Dans un film comme ça, il faut enregistrer les chansons, les chants, l'orchestre et les voix d'abord, avant le tournage. Oui. Jacques a fait le tournage sur ce qu'on avait enregistré. C'est la seule technique possible. Il était dur, Michel Legrand Non. Il est exigeant. On a l'impression qu'il est un peu exigeant. Oui, bien sûr, mais on est exigeant. On est tous exigeants. Jacques Revaux. Mais il ne peut pas y avoir de choses. Il se rapproche, les Parapluies de Cherbourg, ça se rapproche quand même énormément du parfait. Et au niveau des voix, au niveau du tournage, à tout niveau. Donc si aussi bien Jacques Demy que Michel ne sont pas magnifiquement exigeant et avec une gentillesse extraordinaire. Qui va avec ? C'est exigeant. Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde, de Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Jacques Revaux dans la chanson de Maxence dans Les Demoiselles de Rochefort. Merci Jacques Revaux. C'est grâce à Rémi Carémel qu'on vous a avec nous par téléphone. C'est une encyclopédie de toutes les voix françaises de doublage. Et c'est vous qui nous avez fait découvrir tous ces chanteurs, donc inconnus. Vous pouvez en quelques mots nous dire qui sont ces gens, donc qui chantent à la place de Catherine Deneuve, qui chantent à la place de Françoise d'Orléac ou qui chantent à la place de Michel Piccoli. Alors la plupart en fait faisaient partie d'un groupe qui s'appelait les Swingle Singers et les Double Six. Toute une génération de choristes qui ont commencé à travailler à la fin des années 50. Ils ont commencé d'abord comme chanteurs d'orchestre ou musiciens d'orchestre, notamment pour Jacques Elian. Et ils se sont lancés dans les séances de variété pour tous les chanteurs de l'époque. Et c'est des gens qui lisaient parfaitement la musique. Et qui travaillaient, pas tous, mais la plupart en tout cas. Et qui travaillait énormément. C'était une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Il faisait beaucoup de doublages de films, des doublages chantés, notamment pour les films de Walt Disney, les films musicaux. Beaucoup de musique de films. Et puis après, tout ce qui était cœur pour des chanteurs de variété, pour la publicité. Et Catherine Deneuve, notamment, était... on ne peut pas dire doublée, parce que les chansons avaient été enregistrées avant le tournage. Mais donc ont été enregistrées par Anne Germain. Et Anne, voilà, c'était une chanteuse extraordinaire, parce qu'en plus d'être une choriste, elle avait vraiment un don d'interprétation et sa voix raccordait parfaitement avec celle de Catherine Deneuve, parce qu'il fallait vraiment créer l'illusion entre les voix parlées et chantées. C'est vrai, Anne Germain a la même voix que Catherine Deneuve. Quand vous entendez toutes les deux parler, vous ne savez pas laquelle des deux parle. Et comment vous l'aviez choisie, Anne Germain ? Figurez-vous que ce chaudron plein de chanteurs que monsieur vient nous expliquer, il y avait ma sœur Christiane dedans, Christiane Degrand, qui était vraiment... presque en tête de tout ça. Et alors, donc, avec Anne Germain sur le visage de Catherine Deneuve, c'était le miracle. Et pour tous les chanteurs, j'ai cherché des voix humaines, pour tous les comédiens et les comédiennes, parce qu'il fallait que ce soit vraisemblable, il fallait qu'on pense vraiment que c'est Catherine qui chante, que c'est Michel Piccoli qui chante. Il fallait donc des gens qui ont la même voix que les acteurs. C'est Christiane Legrand, votre sœur, qui vous aiguillonnait et qui vous disait, je pense à oui, celle-là. Oui, parce qu'elle en connaissait plein. Elle m'a dit, écoute, tiens, écoute celle-ci. Et j'allais, on auditionnait, je sais pas, des centaines. Anne m'avait raconté qu'elle avait enregistré aussi les maquettes. Il y avait eu des maquettes enregistrées, la Comédie des Champs-Élysées, ouais. Avec une autre choriste, et qu'ensuite, donc, elles ont été réauditionnées toutes autour de vous au piano, et que c'était une audition très spontanée au final, parce que vous disiez, Claudine, vas-y, chante ça et essaye de chanter ça. Et comme la plupart en tout cas des choristes de cette équipe-là étaient de très très bons lecteurs, ouais. Du coup ils improvisaient, en fait les auditions étaient complètement improvisées autour de vous. Bien sûr, oui. Eh bien moi ce que je vous propose c'est de continuer et de terminer en improvisation, Michel Legrand, puisque vous nous faites l'honneur et le plaisir de fêter sur France Musique les 50 ans des Demoiselles de Rochefort. Je vous laisse... Qu'est-ce que je vous joue alors ? Qu'est-ce que vous avez envie ? Moi, je ne sais pas. Moi, par exemple, nous avons. Nous sommes certains. Voyageons de ville en ville. Par exemple, si vous voulez. Ah oui, je veux bien. L'arrivée des camionneurs. Ah oui, Très très bien. Qui me fait beaucoup penser à l'arrivée de La La Land, vous savez, sur l'autoroute. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Ouais, c'est vrai. Eh bien voilà, non pas de La La Land, mais du film avant La La Land, qui s'appelle Mademoiselle de Rochefort. Bon anniversaire, Mademoiselle de Rochefort. Bon anniversaire, Michel Legrand. Thank you. Merci infiniment, Michel Legrand. Oh, avec, tu vas dire, beaucoup de plaisir, j'adore jouer avec Pierre d'abord, et puis j'adore jouer ces morceaux-là que je ne joue jamais, aussi rarement. Pourquoi vous dites ça? Là, au piano, comme ça, tout seul au piano. C'était bien, le concert Big Band. Moi, j'ai adoré votre concert au Grand Rex, avec les 15 cuivres que vous aviez réquisitionnés. Oui, c'est Big Band, oui, Big Band de formidable. Ah oui, mais un Big Band, c'est autre chose, on écrit. Là, on n'écrit rien, on improvise tout. Mais j'ai mes 10 personnages avec moi, toujours, fidèles. Vos 10 doigts que vous allez, paraît-il, bientôt poser devant le Chinese Theater, comme les grandes stars de, d'Hollywood. Oui, oui, c'est quoi? Je ne sais pas. Les Oscars m'ont demandé de poser mes mains sur le trottoir, comme beaucoup de mes prédécesseurs. Comme les plus grands cinéastes et acteurs d'Hollywood. Ou acteurs, ou metteurs en scène. Eh bien, bravo, merci beaucoup. Le film Mesdemoiselles de Rochefort vient d'être réédité chez Arte, avec La La Land d'ailleurs et Les Parapluies de Cherbourg. Il y a un beau livre d'Elsa et Natacha Wolinski qui vient de paraître aux éditions de La Martinière sur l'histoire des Demoiselles de Rochefort, vue par Elsa et Natacha Wolinski. Et puis le coffret définitif qui est sorti chez Universal. Et puis bravo aux 5 auditeurs qui ont gagné ce coffret, qui nous ont écrit. Je vais vous donner les témoignages des auditeurs. Ils nous ont été très nombreux à vous écrire. Oui. Bravo à Clément Burcher, Didier Christin, Gérald Mathier, Gilles Anné et Hélène Michaud. Voilà, sachez que 42e rue a été filmé par les équipes vidéo de France Musique. Vous pouvez la regarder en ligne sur francemusique.fr. Et sachez que le prochain cabaret 42e rue aura lieu en direct dimanche 17 décembre. On l'a intitulé « Chantons sous la Wonderful Town » parce que nous découvrirons en avant-première la création française de « Wonderful Town » de Leonard Bernstein à l'Opéra de Toulon. Nous recevrons le héros de « Singing in the Rain » actuellement au Grand Palais, Dan Burton. Et puis un orchestre de 18 musiciens qui interpréteront « Chantons sous la pluie »« Spirit of Chicago » Orchestra dans des versions originelles. Réservation indispensable comme toujours sur maisondelaradio.fr. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée par Martine Moni, avec ce matin Olivier Dupré, Marie Le Peintre, Pierre Henry, Philippe Thibault, Sofiane Actib, Camille Garin et à la réalisation Perrine Mingui. Merci Michel Legrand. Avec joie, avec joie. À réécouter sur francemusique.fr.